C'est ça l'état de celui qui meurt sur Shirk al-Akbar. Il sera éternisé en enfer et son châtiment ne sera point atténué et il ne mourra pas dans ce châtiment. Il restera éternellement. Il ne connaîtra plus jamais la mort, excepté la mort qu'il a connue dans Dunya. Tout ça nous montre le grand danger de shirk. Luqman alayhi salam a dit à son fils: Inna shirka la dhulmun azim. Ya bunayya la tushrik billahi, inna shirka la dhulmun azim. L'associationnisme est une grande injustice. C'est la plus grande de toutes les injustices. C'est le plus grave de tous les péchés. Quelle chose est plus grave qu'un péché qui provoque pour celui qui meurt sur ce péché, il provoque pour lui la perte éternelle. Wal-iyadu billah.